rimasti un pis soldat inconnu à Montes Azimuts. D'hiver pour la route, le petit cri que personne n'écoute. La dernière souffrance, yeah. Prouesse caduque, l'amour plus solide que le béton du viaduc. Dans tes bras, bébé, je me dois qu'au meilleur des sorts. L'épopée du pépé, le pépé du bébé. Je t'aime, je t'aimerai, je t'aimerai. L'amour fortune, dans mon cœur toujours à la une. Je veux mourir dans tes bras, ton amour.